sèche du côté cœur. J'aime plus grand chose, les meufs se barrent malgré les roses. J'suis d'accord, maman, j'fais trop d'écart. Continuer comme ça, persuadé que j'irai pas loin. J'confie rien, secret aux yeux. Une fois le pactole, souvent les potes se taillent loin. J'sais pas toi, mais moi ça me saoule. Le taf les tubes, histoire entre telles. C'est notre alcu qu'on crée aux sourds. Sur ici, j'suis qu'un grain de sable dans l'océan. Les salopes puis ton compte pour du Chanel. Toi tu vois rien, tu la trouves bonne, c'est suffisant. Chez toi ça suit son cours, ailleurs ça kiffe le risque. Les armes à feu, le parrain c'est réel. On voit trop de guerre, de mafia aux infos. Le fric fait tourner le monde, on ruine nos paix dans les amendes. Sarko veut qu'on craque, j'me ferais serrer, j'irai pas me rendre. Arrête tes feintes, si on connaît le vice, tu fais ça. Et derrière tu biplais des kisses. C'est la vie qu'on a reçue. Jeunesse exclue, en gros y'a pas grand monde qui réussit. C'est pour ma clique, j'arrête le temps, trop de merde dans les rétines. Le monde parfait, passe-moi une fois que je te le dessine. C'est la vie qu'on a reçue. Vice, jeunesse exclue, en gros y'a pas grand monde qui réussit. C'est pour ma clique, j'arrête le temps, trop de merde dans les rétines. Le monde parfait, passe-moi une fois que je te le dessine. J'ai souvent que j'étais dans le passé, c'est peut-être que c'est là où j'étais le mieux. Aujourd'hui c'est nage, j'toucherais 10 000 balles au mieux. Mise rien dans la politique, l'état t'apportera que dalle. Chez la dalle rend ouf, l'époque c'est quoi? De l'amour rare, mais de la haine à pic grave. J'avance, tourner en rond, ça m'intéresse plus. Comme me plaindre, les puits dans le plumard. Ça va vite, un jour t'es bien, demain tu respires plus. C'est la panique dans les foyers. Des lustres qu'on cherche une faille. Les jeunes souffrent, c'est les mêmes putes qu'on entend brailler. J'essaie de balayer mes cauchemars. Ici c'est triste, quand est-ce qu'on se marre? J'gagne le jackpot, j'prends mes claquettes et puis j'me barre. C'est quoi cette France où on se permet de dévoiler ta vie? Où les frangines voilées se font huer? Où on descend pour des euros dans une valise? Niquez vos mères, j'suis loin de tout ça. Des people et gangsters, j'traîne dans ma Rome en Laguna. C'est la vie qu'on a reçue. Vice, jeunesse exclue. En gros, y'a pas grand monde qui réussit. C'est pour ma clique, j'arrête le temps, trop de merde dans les rétines. Le monde parfait, passe-moi une feuille que je te le dessine. C'est la vie qu'on a reçue. Vice, jeunesse exclue. En gros, y'a pas grand monde qui réussit. C'est pour ma clique, j'arrête le temps, trop de merde dans les rétines. Le monde parfait, passe-moi une feuille que je te le dessine. Les lois sont nulles, y'a plus de principes. Moi je suis une proie de l'État, et chez tout le monde y'a des racistes. Ça rame pour nous, parce qu'ils deux S ils font ça bien. Le mouvement il pue de la gueule, MC éphémère, à la mode qu'un temps comme les sapins. C'est pas la pluie qui fait le moine, mais comme un clochard tu vas pas loin. Je t'assure, c'est courant les herchis. On veut la cam et lâcher rien, le monde est rincé, raillé sur un. Attends dis piche frère là c'est rien. Balloté entre les gens droits les crapules. Les fiches de paix l'argent sale, ça crève la dalle. On envoie des millions sur la lune. Je veux dire salut à toutes mes couilles, ce serait cool de vivre de ça, ouais, cause, fil casse-pipe. Tu rencontreras des gens arbus et des capouses. C'est là-dedans que je mise, puisqu'au tiercé je connais que dalle. Je veux réussir et plus qu'on me donne. Bah, je vais conclure, j'ai fait le choix. Ça me fait bien chier, mais faut être d'aime. C'est la vie qu'on a reçue. Vice, jeunesse exclue. En gros, y'a pas grand monde qui réussit. C'est pour ma clique, j'arrête le temps, trop de merde dans les rétines. Le monde parfait, passe-moi une feuille que je te le dessine. C'est la vie qu'on a reçue. Vice, jeunesse exclue. En gros, y'a pas grand monde qui réussit. C'est pour ma clique, j'arrête le temps, trop de merde dans les rétines. Le monde parfait, passe-moi une feuille que je te le dessine.